la même coupée au cul. Coup de balance, fils de pute, c'est le GIGN qui vient te lever. Faut pas rêver, c'est la haise à la tête, les caisses sont vides, frérot. Tu merdes, connais le tarot, shit, peu dans la carreau. Bandero, toujours ma lune. Ici les fleurs se fanent, c'est le bordel toute l'année. Pour une facture, tu peux être gagné. Bad boy, veut tout niquer. Bad boy, toujours brûlé. Bad boy, veut être friqué. Bad boy. On nique les inspecteurs. Ouah, on est posé dans le secteur. La mer coupée au cul. Ça tombe comme des dominos. Faut toujours pousser le poids, tu sais bon. Bienvenue dans le show. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Mon seul ami c'est mon cabouche. Fonce et je me sens seul contre tous. Les flics à nos trousses. Depuis